le réveil sonne, RFM gagne, fourmis dans des poils, les sacoches sous les yeux, on leur crème comme gore, comme à Gencore. Douche froide, bento, café, clope à fond sans la forme. Le stress monte, s'accroche et grogne, comme un molosse excité, le mollet dans la trogne. La dépression tenue la tête sous l'eau, voilà grâce à arôme, l'exomile, Prozac, saupoudré de placebo. Remonter à la surface, une angoisse de plus au tableau. Pour certains, la performance se plombe d'en haut. Pour d'autres, c'est juste ramener un steak au marmot. Le tic-tac du système rythme nos vies, nous entretient pour nous engloutir, contrôle nos envies, nos sourires, consommation, bien-être, pouvoir d'achat, bidon, désolation, mal-être. Que devient le bonheur sans le paraître, la publicité donne le martel sur la tête. Géante et la bête, sa gueule est béante, nous morpions, courons sur son ventre. Certains ont tenté, aucun outil ne les vante. Format, endoctrinement, dans la cuve du petit peuple, les ingrédients ferment. Rêve que Babylone brûle, Babylone crame, Babylone de plume, de contrôle comme une cage. Rêve que Babylone brûle, mais qu'elle connaisse le drame, réclame la peine de mort, paix à son âge. Rêve que Babylone brûle, Babylone crame, Babylone de plume, de contrôle comme une cage. Rêve que Babylone brûle, mais qu'elle connaisse le drame, réclame la peine de mort, paix à son âge. Babylone, terre d'accueil pour les clones, vivant comme des fourmis, formatés comme des drones. Une vie sans saveur, de peur, de terreur, sortir porte malheur, plus d'âme, plus de cœur. Ça drague sur MSN, le contact, pas le temps. La MST débarque, alors tu te branches, c'est prudent. T'as la trouille des étrangers, ils sont méchants sur TF1. T'avales tes coupes fins, tu t'es fait faire les seins. T'as fait chaud, le dernier iPod, faut être à la mode. Rentrer dans les codes et toutes les femmes ont des codes. Tu tapes 10 heures par jour pour une paye de misère. Tu dépenses en facture, ils appellent ça la fracture. T'attends le match de foot ce week-end à la télé pour pouvoir oublier ta semaine de merde. Tu ne sais pas quoi penser. C'est comment vivre, tu t'exprimes seulement quand t'es ivre. Bravo, t'es français. Rêve que Babylone brûle, Babylone crame, Babylone de plume, de contrôle comme une cage. Rêve que Babylone brûle, mais qu'elle connaisse le drame, réclame la peine de mort, paix à son âge. Rêve que Babylone brûle, Babylone crame, Babylone de plume, de contrôle comme une cage. Rêve que Babylone brûle, mais qu'elle connaisse le drame, réclame la peine de mort, paix à son âge. Made in Thailand ou de Babylone, même combat. Le tampon sur le cul, les moutons belles, on y va. Sorti d'une presse, on verra un machiavélique. Le produit évolue, se nourrit et croit. Sa liberté est acquise et c'est là que le rayon de l'utopie brûle sa rétine comme du petit bois. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, le tourbillon infernal t'aspire, te boit, te boit. Te régurgite à sa guise, c'est comme ça. Mais si t'es borné, essaye de te battre. Prêt à sacrifier tout ce que t'as, ta routine, ton confort, tes angoisses. Hurle et sors la tête de la masse. Bien organisé, l'underground est vorace. Au pire, tu trouveras une famille, une classe, un monde parallèle où tes rêves à jamais ne s'effacent. Perdu dans ta vie, t'attends même la star. Tu votes pour celui qu'a le track, il est faible comme toi. Anesthésié depuis tant d'années, tu ne penses qu'à ta caisse, ton phone, la dernière conne t'a croisé. Tu voudrais tout jeter, mais t'as des crêtes sur les bras. Et la pension de ton ex-femme t'attire vers le bas. Rassure-toi, dans ton genre, on en recoupe des millions. Ça s'appelle Babylone, terre ou Basilium. Voici l'hymne de ceux qui ne veulent pas marcher dans cette belle mascarade appelée société. Car libre rappeur, je prends de la libre pensée. Mon discours te dérange, bravo t'es français. Rêve que Babylone brûle, Babylone crame, Babylone de plume, de contrôle comme une cage. Rêve que Babylone brûle, mais qu'elle connaisse le drame, réclame la peine de mort, paix à son âme.